Bonjour à tous, bienvenue dans la lanterne des otaku pour ce nouveau numéro, ce 11e numéro j'ai envie de dire. L'été a laissé place à l'automne et son menton coloré est riche, comme d'ailleurs le programme qui vous attend aujourd'hui. Là où je vais vous emmener, on colore à la braise son bœuf mondialement connu et qui fait fondre vos papilles. Vous l'avez compris, nous irons à Kobe. 20, c'est le nombre d'années de carrière d'un très célèbre groupe de rock japonais qui continue encore aujourd'hui de faire flamboyer les zéniths du soleil levant, mais aussi du monde entier. Stand Out Feeling, The Beginning, ou encore We Are, leurs fans en connaissent le refrain. C'est donc l'histoire de One Ok Rock, ce quatuor japonais avec un grand J, que je vous raconterai tout à l'heure. Pour ce qui est de la partie pop culture, j'évoquerai évidemment mon ouvrage coup de cœur, ainsi que les sorties manga et conventions à venir. Ma samouraï du jour, elle, n'organise pas des concerts, mais une convention qui n'est autre que Animest, qui se tiendra les 15 et 16 novembre au Centre Prouvé de Nancy. Sylvie, qui est la coprésidente d'Animest, répondra à mes questions tout à l'heure. Mais avant d'en venir là, place aux actus au pays des samouraïs. Le Japon décide de monter au créneau pour protéger ses mangas et animés face à l'IA. En effet, le gouvernement nippon a sommé la start-up OpenAI qui a créé ChatGPT d'arrêter de piller les œuvres du pays. Il se trouve que cette entreprise avait mis en place un modèle de création permettant de générer des images inspirées du studio Ghibli. Mais le problème est que OpenAI n'avait passé aucun accord avec le studio. L'entreprise ne s'est pas arrêtée là, puisqu'elle a lancé une version majeure, nommée Sola 2, où certains pignoufs, on peut pas les nommer autrement, se sont amusés à générer des vidéos avec des personnages de séries ou jeux vidéo protégés par le droit d'auteur. Par exemple, on pouvait voir Pikachu lancer une attaque tonnerre sur les plages de notre magnifique Normandie, ou encore Mario conduire comme un dingo sur les routes. Le ministre chargé de la sécurité économique et de la protection intellectuelle a déclaré que le manga et l'anime sont des trésors irremplaçables dont le Japon est fier devant le monde entier. Nous avons demandé à OpenAI de ne commettre aucune action susceptible de constituer une violation du droit d'auteur. Du côté de la start-up, son PDG Sam Altman a répondu en offrant, je cite, « un contrôle plus précis sur la génération de personnages avec des contrôles supplémentaires ». Heureusement qu'on peut compter sur cette grande nation qu'est le Japon pour protéger ses artistes et auteurs. D'autres pays, suivez mon regard, feraient bien de s'en inspirer. Les Japonais sont de plus en plus attirés par les boissons sans alcool. Ce n'est pas moi qui le dis, mais Suntory, vous savez, c'est ce groupe qui a les marques donc, du type Orangina ou Schweppes. Cette entreprise, donc, elle a fait une enquête en juin dernier auprès de 30 000 Japonais âgés entre 20 et 69 ans. En 2024, il y a, pour situer sur le contexte, 46 millions de caisses de boissons non alcoolisées ont été vendues au Japon, soit une augmentation bien plus importante par rapport à il y a 10 ans. Suntory a voulu interroger ces personnes issues de 4 préfectures sur ces 30 000. Et donc sur ces 30 000 personnes interrogées, un tiers d'entre eux a déclaré avoir bu des boissons non alcoolisées cette année. Parmi les raisons, deux ressortent plus que les autres. Donc dans les 50% des sondés, y en a donc qui estiment que 1, c'est pour prendre soin de leur santé, et que c'est, deuxièmement, facile à boire. Tous ces indicateurs donc, montrent que le marché des boissons sans alcool poursuit son développement, il faudra regarder ça de plus près donc dans les prochaines années. Enfin, le dimanche 12 octobre a été le point final de l'exposition universelle d'Osaka. Sur les 6 mois d'ouverture, ce grand événement a totalisé plus de 25 millions de visiteurs. C'est plus par rapport à l'exposition de 2005 qui s'était déroulée à Aichi, et qui en est fait 22. La cérémonie de clôture s'est déroulée en présence de l'ancien Premier ministre Ishiba Shigeru, qui s'est réjoui que le Japon ait réussi à créer une exposition formidable, mettant en avant la solidarité plutôt que la division, et la tolérance plutôt que la confrontation. Cette exposition a marqué le début d'une nouvelle ère au Japon, et en a également contribué à la revitalisation des régions. Pour terminer cette exposition en beauté, un défilé de drapeaux des pays participants, dont la France, et des feux d'artifice en sont suivis. Vous écoutez La Lanterne des Otaku, votre émission 100% Nippon sur Fadjet. Réputée pour sa viande, Kobe ne se résume pas qu'à ça. Située dans la région du Kansai, cette ville portuaire de plus d'1,5 million d'habitants regorge d'un patrimoine unique en son genre. De la gastronomie au quartier de Chinatown, en passant par d'autres monuments à visiter, je vais essayer de vous montrer un Kobe loin des stéréotypes. Partons donc à sa découverte. Outre sa viande, Kobe a souffert des tremblements de terre, et notamment celui de 95, qui a ravagé en grande partie la ville. De magnitude 7,2 sur l'échelle de Richter, les dégâts humains et matériels ont été absolument terribles, pour plus de 6 000 morts et 57 milliards d'euros de bâtiments, infrastructures et habitations détruites. Au fil des années, la ville s'est reconstruite et compte sur son patrimoine pour briller. À 2h50 de Shinkansen depuis Tokyo, il faudra prendre un bon bol d'air marin en allant se balader au port de la ville. Vous y trouverez la grande roue mosaïque si vous souhaitez prendre un peu de hauteur. Pour les pros du shopping, vous aurez à votre disposition Harborland, un complexe où vous avez deux centres commerciaux qui se rejoignent et qui donnent sur la baie. Sur le côté plus traditionnel, vous pouvez aller vous recueillir au temple bouddhiste de Nofuku-ji et son grand Bouddha de Hyogo. Il faut savoir que cette statue a été détruite lors de la Seconde Guerre mondiale et elle a été reconstruite dans les années 90. Elle fait partie des trois plus grandes statues du pays, d'ailleurs. Après toutes ces déambulations, il faut absolument que vous filiez au nord de Kobe vers Harima Onsen et sa source chaude qui est une des plus anciennes du Japon. Après y avoir passé la nuit dans un ryokan, les auberges traditionnelles japonaises, vous savez, terminé par une touche chinoise en allant au Chinatown de la ville qui existe depuis 1868. Et bien sûr, n'oubliez pas d'aller déguster ce siphon dans bœuf de Kobe. En revanche, il faut raconter entre 55 et 150 euros pour avoir le privilège d'y goûter. Le prix pique quand même, mais il faudra bien casser sa tirelire. Entre Bouddha, quartier chinois et station thermale, Kobe, vous allez adorer. Plus de Japon dans La Lanterne des Otaku sur Fadjet. Through the 世界の 過ぎて誰かの希望は誰かの絶望に巡り巡ってく悲しみは祈るだけじゃもう手に負えなくて大地のざわめき好きな偶然に揺らんで出会いと別れその全てには意味があって強くなりたいと今願うのは失いたくないあなたがいたから大切なことはいつも心を見て決めればいい終わりのない最高のストーリーを始めよう Believe in happy ending 届け空の彼方こっちに宿る絆が覚えてる愛は魔法よりも頼もしく強いってこと Keep it, keep it, keep it 今を積み重ねて僕らは未来へ向かう約束しよう何度でも Let's meet againが駆ける闇に染まるシルエット思いは交差して時に愛場に変わるどうしてなくすまで気づかないんだろう答えのない問いかけは刺さったままでこの腕で自分の手で掴み取って生きる兄弟予定上はのしらけたシナリオはもういらない Believe in happy ending命の限り赤く脈打つ悲しいが叫んでる止まらない涙もいつかは糧となる Keep it, keep it, keep it 人は弱さを知り強く優しくなる忘れないよこの痛み連れてまだ見ぬ Standout Feeling, The Beginning, We Are, ces tubes ont résonné dans l'enceinte du Zénith de Strasbourg le samedi 11 octobre. Plusieurs milliers de fans étaient là pour entonner les refrains de leur groupe préféré. Cette année est particulière pour le Quatuor puisqu'ils fêtent leurs 20 ans de carrière. Avec leur tournée nommée Detox, ils sont passés par Nantes, Paris et Strasbourg et font le tour de l'Europe pour le plus grand plaisir de leurs fans du vieux continent. De leur début jusqu'à leur ascension, passant par quelques moments compliqués, c'est l'histoire de ce groupe le plus populaire du soleil levant, The One OK Rock, que je désire vous raconter. C'est en 1995 que Tolu et Ryota, les deux guitaristes du groupe, vont se rencontrer dans une école de danse. Déjà à cette époque, ces deux membres du quatuor actuel vont faire de premières compétitions au sein d'un groupe hip-hop. Alors tous deux collégiens, leur succès pousse leur agent à exploiter davantage leur potentiel et les emmène à Tokyo. Ils ont sorti deux singles, mais qui n'ont pas été très glorieux. En conséquence, ce groupe prendra fin. Mais ils ne s'arrêteront pas là. Tolu va prendre goût pour la musique et a demandé à Ryota de le rejoindre et de maîtriser la basse le plus rapidement possible. Deux autres personnes vont ensuite les rejoindre. Le musicien Alex Onizawa et Yu pour la batterie. Et c'est là qu'en 2005, le groupe One OK Rock, OK Rock va voir le jour. Pour info, le nom du groupe vient de l'heure à laquelle le groupe se réunissait les week-ends. Cependant, il manque une cinquième personne, le frontman, le leader. Et c'est là que Taka va entrer en scène. Il ne faisait pas encore partie du groupe, car il était encore membre du groupe News, qu'il quittera 3 mois plus tard pour rejoindre officiellement One OK Rock. Les difficultés se sont enchaînées avec d'une part le départ de Yu, qui laissera sa place à Tomoya Kanki, l'actuel joueur de batterie. En 2009, une polémique vient les impacter à cause d'Alex, accusé d'attouchement sur une femme. Il sera alors contraint de partir de la troupe. Deux tournées ont été annulées et leur participation au générique du drama Gunhan Talu compromis. Donc quoi, ça n'a pas été facile, mais ils ont su se relever. En 2010, ils sortiront un nouveau single, Kanzen Kankaku Dreamer, et d'autres tubes, ainsi que leur quatrième album, Niche Syndrome, qui les hissera sur les top hits. Au fil des mois, leur popularité va continuer de grimper en participant à certains jeux et en enregistrant Smells Like Teen Spirit, dédié à Nirvana en 2012. Ils vont même participer à un certain nombre de festivals comme Rock in Japan Festival, où ils seront en tête d'affiche. Après cette série de festivals, ils publieront leur cinquième album Zankyo Reference. Ils vont par la suite faire deux dates au Yokohama Stadium qui totalisera, écoutez bien, 17 000 personnes. Après ce franc succès, ils vont s'ouvrir au monde en faisant une tournée en Asie, en passant par Singapour, Taïwan et la Corée du Sud. C'est en revenant de cette escapade, hors des terres nippones, qu'ils vont sortir le titre le plus populaire, The Beginning. 232 millions de vues sur YouTube. 232, c'est énorme. Ils débarqueront aussi donc sur le continent européen pour la première fois en 2013, à Paris, à Londres ou encore à Amsterdam. Et ensuite, ils feront les USA un an plus tard pour compléter leur tournée. L'objectif, donc, c'est de conquérir le cœur de l'Occident, qui aujourd'hui est une mission largement remplie. Pendant le Covid, le confinement dans le monde les a poussés à réaliser un concert en streaming. Les coulisses d'ailleurs de cette préparation ont fait l'objet d'un documentaire qui est nommé Flip a Coin et qui est disponible sur Netflix. Aujourd'hui, ils effectuent leur tournée Détox. Ils ont fait trois dates, Nantes, Paris et Strasbourg. Moi-même, me suis rendu au concert du Zénith de Strasbourg et ils ont su vraiment donner de l'ambiance, du panache qui les anime et qui, je pense, les animera encore de nombreuses années. Votre émission 100% Japon revient tout de suite dans la lanterne des otaku sur Fadjet. What's ways for you? What's breaking through? Nothing for good. Coup de cœur de ce mois-ci pour faire le lien avec le récit de One Ok Rock que je viens de faire à l'instant et que vous pouvez et vous pourrez réécouter sur le podcast, les podcasts de la lanterne des otaku. Donc il porte évidemment sur leur nouvel album appelé Detox. Il s'agit du 11e qui célèbre les 20 ans de carrière donc, du Quatuor. C'est un album qui se veut allier l'intensité et l'émotion, deux mélanges qu'ils connaissent très bien. Les tubes sont vraiment variés. J'ai vraiment aimé Tropical Therapy and Matter, qui ont vraiment quelque chose de prenant, et avec la voix de Taka qui est absolument sublime. C'est d'ailleurs, enfin, quand j'ai entendu cette voix pour la première fois, c'est, y a vraiment une énergie folle qui en ressort, quoi. On peut également citer d'autres tubes comme Dystopia. Au prix de 21 euros, vous pouvez retrouver le CD donc, sur la boutique de la Fnac ou à d'autres enseignes. Cet album est une bonne dose de dynamisme à écouter sans modération. Vous écoutez La Lanterne des Otaku, votre émission de culture japonaise sur Fadjet. Le mois prochain sera bien fourni avec la sortie du coffret One Piece de l'arc Whole Cake Island dans le pays de la terrible impératrice Big Mom. Depuis quelques années, donc Glénat publie des coffrets sur les grands arcs de One Piece. Hein, donc il y a eu Alabasta, Marineford, Dressrosa et d'autres coffrets avec des designs vraiment très, très réussis. Ce coffret, donc, il va des tomes 80 à 90, tout ça donc dans les librairies manga et librairies classiques le 5 novembre. On enchaîne les gros titres hein, avec la publication du tome 24 de Dragon Ball Super le 19 novembre. Enfin, on poursuit les aventures de Natsu dans le 20e tome de Fairy Tail et la quête des 100 ans, à la poursuite d'un des dragons divins qui a perdu la raison. Ce tome paraîtra donc le 13 novembre. J'en profite pour rappeler que Fairy Tail et la quête des 100 ans est disponible aussi en animé sur ADN et aussi Netflix. Sur le côté convention, je le disais en introduction de l'émission tout à l'heure, comme chaque année, donc, nous avons la convention Animest au Centre Prouvé à Nancy. Ce sera les week-ends du 15 et 16 novembre. Au programme, donc, la venue du streamer Farod, aux plus de 200 000 abonnés, et qui est spécialisé dans les jeux vidéo Nintendo. Aussi, il y aura donc deux comédiens de doublage, Adeline Chetai, qui a prêté sa voix dans Zelda, Wakfu, ou encore The Last of Us, et elle sera accompagnée donc d'un deuxième comédien de doublage, donc Philippe Roulier, qui a doublé lui plusieurs animés, à savoir One Piece, Hunter x Hunter, ou encore Fairy Tail. Notez bien ces dates dans vos agendas. La lanterne des otaku revient tout de suite sur Fadjet avec l'interview de ma samouraï du jour, Sylvie, coprésidente de cette édition d'Animest. Ma samouraï du jour a la lourde responsabilité de l'une des plus grandes conventions dans le Grand Est, qui se tiendra les 15 et 16 novembre au Centre Prouvé, j'ai nommé la convention Animest. Sylvie, coprésidente de cette nouvelle édition, est mon invitée. Bonjour Sylvie. Bonjour. Merci de répondre à l'invitation de Fadjet dans la lanterne des Otaku. Donc, je le disais, donc, vous avez l'immense charge d'organiser cette nouvelle convention. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler du concept, s'il vous plaît ? Bien sûr. Alors, Animest, c'est une convention qui est organisée depuis 2003 par des étudiants. Donc, ça se présente sur un week-end où on va avoir dans les 8000 visiteurs qui viennent pour découvrir la culture japonaise et la pop culture, principalement asiatique. On va avoir des associations culturelles, des stands, des boutiques, et sur le cosplay, ainsi que des invités particuliers, et notre toujours aussi fameux Make Café. Très bien. En tant que présidente, je me suis toujours posé la question, l'année dernière, le responsable communication de l'édition précédente nous avait parlé un petit peu de l'organisation de la convention, mais tout a un début, et comment est-ce que se passe la sélection de qui organisera chaque nouvelle édition ? Comment est-ce que vous, en tant que présidente, vous avez été choisie ? Eh bien, comme on est une association étudiante, on a un fonctionnement un petit peu différent. Effectivement, ça change chaque année l'organisation. On va avoir une assemblée générale qui est organisée en début d'année, environ 2 mois après la convention, pour donc voter qui sera le prochain conseil d'administration. Très donc on bien. A des candidats et qui seront votés pendant ce moment-là. Et ensuite, on aura les responsables. Très bien. Et qu'est-ce que ça vous fait, vous, de pouvoir présider cette convention qui, je rappelle, hein, a plus de 20 ans d'existence ? Eh bien, c'est une grande fierté de pouvoir participer à l'organisation de cette convention. Et ça permet aussi d'apprendre beaucoup de choses. On est étudiant, mais on a l'occasion, qui est très rare, et surtout c'est vraiment un peu inédit, de pouvoir participer à l'organisation d'un événement aussi important, et principalement organisé uniquement par les étudiants. Très bien. Je rappelle donc c'est la convention, donc elle est organisée donc par les étudiants de l'école des mines et de télécom. Je m'arrête vous me coupez si je me trompe. Mais donc vous êtes étudiante, et est-ce que c'est pas trop compliqué de devoir organiser un tel événement en parallèle de vos études ? Alors effectivement, la convention a été créée en 2003 par les mines et télécom Nancy, et depuis on est ouvert à toute l'université de Lorraine. Effectivement, c'est une grosse charge de travail à gérer avec les cours, mais ça s'apprend et ça suffit d'une bonne organisation de travail et ça se fait. Très bien. Et qu'est-ce que vous avez décidé de mettre en place pour cette nouvelle édition par rapport à l'année dernière ? Cette année, on va avoir donc de nouveaux invités VIP. Par exemple, nous avons Farod, Adeline Chetaille, Philippe Roulier, Aori et d'autres invités qui seront encore annoncés. On va avoir à nouveau une étape de la Coupe de France de cosplay. Mais également cette année, on va avoir le retour du dépôt-vente qui n'était pas présent l'année dernière malheureusement, mais qui revient cette année. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de en quoi ça consiste, ce dépôt-vente ? Dépôt-vente, c'est le principe un petit peu d'une mini-brocante directement dans la convention. Oui. Si des visiteurs veulent déposer des objets pour les revendre, on va s'occuper de garder les objets et les revendre aux visiteurs, et ensuite, à la fin de la journée, donc redonner les gains gagnés par la vente. Alors, j'imagine que c'est pas n'importe quelle sorte d'objet, c'est plus, à mon avis, plutôt des mangas ou des figurines, par exemple, je pense. Voilà, ça va être plutôt dans ce style d'objet, des t-shirts, des peluches, des figurines, des mangas, etc. Tout ce qui est en rapport avec la convention est bienvenu. Très bien. Vous nous avez parlé donc des invités. Est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que vous les avez choisis ? Alors, on va prendre en compte des demandes qui sont faites sur nos réseaux sociaux par les visiteurs, et aussi prendre en compte les types d'invités, donc essayer de prendre autant des cosplayers, des comédiens de doublage, youtubeurs, streamers, Il y a le côté Japon traditionnel, donc auquel je tiens vraiment. Comment est-ce que, qu'est-ce qu'il y aura comme, comme activité du niveau Japon traditionnel, des arts martiaux, ou qu'est-ce qu'il y aura? On va effectivement avoir un petit stand d'arts martiaux, donc plus précisément de l'aïkido. On Oui. a aussi des associations culturelles, par exemple sur de la calligraphie, du furoshiki, et un atelier organisé par le consulat général du Japon, qui nous patronne, qui sera donc le samedi matin, sur justement du furoshiki. D'accord, donc sur le furoshiki, est-ce que, donc ça, il y a le, cet aspect traditionnel, vous parliez donc des arts martiaux, est-ce que les visiteurs pourront s'initier par exemple à l'aïkido, faire apprendre, faire des premiers gestes, est-ce que ça se fera? Oui, il y a un stand donc d'aïkido avec des tatami qui seront disposés pour pouvoir tester justement avec directement le club d'aïkido et avec des démonstrations également. D'accord. Et donc il y a aussi donc ces démonstrations donc sur le côté Japon traditionnel, mais il y a aussi la partie cosplay. J'imagine qu'il y aura des concours. Oui, donc on a toujours l'étape de la Coupe de France de cosplay qui aura lieu le samedi. Et on a aussi donc des concours et défilés qui seront aussi organisés le dimanche. Très bien. Au niveau des tarifs, j'ai vu donc qu'il y avait donc les tickets pour le samedi et le dimanche ou pour le week-end complet, mais il y a aussi un pass Tanuki et Meet and Greet. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consistent ces deux passes qui sont assez, qui sont différents? Alors, le pass Tanuki, c'est un pass qui va permettre d'accéder à la convention les deux jours, d'avoir aussi des goodies exclusifs pour cette année et des coupe-fil. Donc, par exemple, pour les amphithéâtres ou le Maid Café. Oui. Et aussi donc pour l'accès à la convention, puisque ça va être par une entrée différente. D'accord. Et le ticket de Meet and Suite, c'est un ticket additionnel, donc il ne permet pas l'entrée à la convention. Et ça permet de passer 30 minutes en petit comité avec deux invités d'honneur et de profiter donc de ce moment d'échange avec des pâtisseries et des boissons du Make Café qui seront proposées. D'accord, donc c'est pour rencontrer les différents invités vedettes, quoi. Donc par exemple Farod ou Adeline Chetaï, par exemple. Exactement. Très bien, et donc quel tarif c'est le pass Tanuki et le pass Meet and Greet? Le pass Tanuki, on est sur un tarif de 50€ et le ticket Meet and Suite est à 11€. Donc 11€ pour le pass Meet and Greet en plus des tickets du samedi ou du dimanche ou du week-end complet, quoi. C'est ça. Ok. Alors je vais parler donc aussi donc Animest, ça se fait donc pourrait pas se faire sans des bénévoles. Est-ce que vous avez vous arrivez à trouver des bénévoles facilement? Eh bien, on a principalement donc toujours des étudiants. On va majoritairement aller recruter donc dans les étudiants de nos écoles. Ça va être principalement à Télécom Nancy, qui est l'école qui sert donc de siège social de l'association. Mais aussi dans toute l'université de Lorraine, on est présent par exemple au forum des associations pour présenter notre association, motiver les gens pour venir nous aider. Très bien. Pour terminer donc sur ma dernière question, qu'avez-vous envie de dire à nos auditeurs qui voudraient se rendre à la convention? Eh bien, peu importe que vous connaissiez beaucoup ou non la culture japonaise, c'est vraiment un moment convivial qui permet de découvrir ou redécouvrir des classiques ou des généralités dans la culture japonaise avec différents aspects. Donc autant culturel, des jeux vidéo, du cosplay, mais aussi des boutiques et créateurs. Très bien. Eh bien, je vous remercie beaucoup, Sylvie, donc, d'avoir répondu aux questions de Fadjet. Donc, on retrouve donc la convention Animest le 15 et 16 novembre au centre congrès Prouvé. Donc, j'imagine qu'on peut prendre les tickets en ligne ou dans certaines boutiques. Oui, alors la billetterie est ouverte en ligne sur notre site, donc animest.net, mais aussi dans des boutiques partenaires. À Nancy et à Metz, donc à Cuba Station, à Toumanga, à la Caverne du Gobelin et la librairie Molimès. Et le Pass Culture aura bientôt la billetterie ouverte, donc pour ceux qui en ont besoin. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Sylvie. Puis bon, on vous souhaite bon courage pour l'organisation de cette convention. Eh bien, merci beaucoup à vous de m'avoir invité. Eh bien, c'est avec grand plaisir. C'est la fin de la Lanterne des Otaku. Rendez-vous le mois prochain pour le prochain numéro, le 12e numéro. Mon invité de ce novembre donc, sera Sato Komori, qui aussi participe à la convention donc, sur l'atelier calligraphie. Donc en attendant, prenez soin de vous et je vous dis sayonara !